verdure. Je crie et il m'entend. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur sans relâche. Je me souviens des jours anciens, des années passées. Je songe à mes cantiques dans la nuit. Mon esprit médite sans repos. Ton chemin est dans la sainteté, ô Dieu qui est grand comme toi. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as révélé ta puissance. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Ton chemin